Les grands événements se reproduisent deux fois, notait un philosophe à la fin du XIXe siècle. La première fois, c'est une tragédie, la deuxième, c'est une farce. C'était déjà la conviction de Victor Hugo dans son discours de juillet 1851 devant l'Assemblée nationale. Dans ce long poème de 386 vers, intitulé L'expiation, le plus long des châtiments, Victor Hugo fait d'une pierre deux coups. Le règne farcesque de Napoléon III qu'il ridiculise est en effet la véritable punition infligée par Dieu à Napoléon Ier qui, par son coup d'État du 18 Brumaire, avait tourné à son profit les conquêtes de la Révolution pour la liberté. Fidèle au rythme ternaire de sa pensée, Victor Hugo évoque d'abord l'épopée napoléonienne en un triptyque célèbre. Premièrement, la retraite de Russie, deuxièmement, Waterloo, troisièmement, Sainte-Hélène.